des psychogrammes, téléguidés à la télé. Des gros hommes, des bonnes femmes gravissent la montagne de satiété. Grimpez! Je nous sens fort bien mal. Lâchés dans ce long couloir de sport. Pour gagner des raids spatiales. On bourre encore et encore. Encore! Je nous vois bien mal barrés.